Pour commémorer le tricentenaire de la mort de Molière, l'ORTF et la Comédie-Française vous invitent à écouter La Princesse d'Élide, comédie-ballet de Molière, musique originale d'Alain Margoni, direction artistique Jacques Régnier. L'à-propos de Jacques Dapoigny, que nous vous invitons à écouter maintenant, sera lu par Michel Echeverry et Claude Winter. Après l'audition de La Princesse d'Élide, Paul-Louis Mignon recevra pour nous Jean-Louis Barrault, qui collabora aux côtés de Georges Leroy à la dernière mise en scène de cette œuvre à la Comédie-Française. Cette reprise dans nos émissions de La Princesse d'Élide nous apporte l'occasion d'évoquer un moment heureux de la vie de Molière. À mon avis, la création de La Princesse d'Élide marque un sommet dans sa carrière. La Princesse d'Élide, un sommet? Je ne sais pas qui vous trouverait pour être de votre avis. Dites que la célébration du tricentenaire donne à la Comédie-Française une occasion excellente de présenter au public les pièces de Molière les moins connues, celles qu'on joue rarement, et il reconnaîtra qu'il y a une certaine injustice à ne garder au répertoire que ses grands chefs-d'œuvre. Mais de là à dire que cette princesse écrite sur commande en 8 jours est un sommet, il y a de la marge, et votre avis vous est très personnel. Non, je vous demande pardon, j'ai pas dit un sommet de son œuvre, j'ai dit de sa carrière. Et puis ne croyez pas que je sois seul de mon avis. Madame Dussane, dans son livre charmant, Un comédien nommé Molière, parle de la plus belle année de sa vie. Aucun moment de sa vie ne lui avait apporté une si totale plénitude. Ses journées étaient trop brèves pour lui permettre de savourer tous ses bonheurs. La possession d'Armande, la faveur du roi, le succès de public, l'abondance tyrannique de l'inspiration, les idées, les plans, les portraits se pressaient à son esprit. Il se sentait presque tourmenté de leur impatience de naître. Toute l'expérience, lentement germée en lui depuis toujours, semblait vouloir jaillir comme un printemps impétueux. D'ailleurs, voyez les faits. Où en est Molière en ce mois de mai 1664? Il a 42 ans et 5 mois. Après 13 ans de tournée en province, il est revenu à Paris depuis 5 ans et 8 mois. Voilà des précisions. Et bien, par ce retour à Paris, Molière jouait à pile ou face. S'il gagnait d'emblée le succès, une grande carrière s'ouvrait. Si c'était l'échec, il n'aurait plus qu'à courir de Lyon à Nîmes et à Pézenas jusqu'à la fin de ses jours. Pendant l'hiver de 1658, il jouait à Grenoble. C'était bien loin de la capitale pour engager une partie si décisive. Madeleine Béjart obtient une série de représentations à Rouen. Ils y sont au mois de juin. Il faut trouver une salle de théâtre, c'est-à-dire un jeu de paume, et renouer avec des relations utiles. Elle y apprend que le cardinal Mazarin s'occupe de former la maison de Monsieur, frère du roi, qui va atteindre ses 18 ans. Sa troupe de comédiens n'est pas encore désignée. Or, l'abbé de Connac, qu'ils connaissent, qui les a protégés à Pézenas, vient d'acheter la charge d'aumônier du prince. Molière saute dans le coche, court chez M. de Connac, qui l'accueille bien, et fait aussitôt les démarches. Molière sera le chef de la troupe de Monsieur, frère du roi. Dans les mois qui suivent, la ville confirme le jugement de la cour. L'étourdi, né à Lyon, et le dépit amoureux, à Béziers, font la conquête de Paris. L'ascension fait un bond en hauteur avec les précieuses ridicules. Gros, très gros succès pour parler comme un de ses contemporains, ce furent les précieuses qui mirent Molière en réputation. Réputation dignement soutenue au bout de 6 mois de succès par le cocu imaginaire. Alors, on passe au théâtre du Palais Royal. Don Garcia de Navarre marque un palier, mais apporte à son auteur une leçon utile. Il ne se risquera plus dans le genre noble. La montée reprend avec le retour à la comédie. L'école des Maris, Les Fâcheux. Avec Les Fâcheux, Molière et ses comédiens font leur entrée dans le monde. La pièce lui a été commandée par le surintendant Fouquet qui veut offrir au roi, en son château de Vaux, une fête somptueuse. Si somptueuse qu'il ne tardera pas à aller méditer sur la vanité des somptuosités dans la solitude de Pignerolles. Plus de Fouquet. Mais Molière a fait l'apprentissage des grandes fêtes princières pour lesquelles il faut bâcler une pièce en 15 jours. C'est pas un succès perdu, le roi fait venir la pièce à Fontainebleau. Puis, le 20 février 1662, un grand succès d'un autre genre, Molière épouse Armande. Il est heureux. Et brusquement, un nouveau bond. Ce ne sont plus cette fois quelques marches gravies, c'est un bond formidable qui crève le plafond. Le 26 décembre 1662, au Palais Royal, la première de l'École des Femmes. Des recettes qui dépassent 1500 livres et descendent rarement au-dessous de 1000 pendant 6 mois. Oui, mais surtout, Molière est sorti de la farce et des comédies légères. Il a abordé la grande comédie et il a triomphé. Mais les ennemis aussi viennent aussitôt. Et des ennemis de taille. D'abord, les rivaux, ces messieurs de l'hôtel de Bourgogne à qui les recettes de 1500 livres du palais royal donnent de douloureuses insomnies. C'est d'abord Donaud de Visée, qui n'est pas encore l'auteur-directeur du Mercure galant et l'ami de Molière. Il part à la charge dans ses nouvelles nouvelles. Ensuite, Boursault, qui prouvera plus tard qu'il valait mieux qu'il ne semblait alors, avec le portrait du peintre que les comédiens de l'hôtel s'empressent de jouer. Molière répond au premier par la critique de l'école des femmes, au second par l'impromptu de Versailles. Le roi l'approuve. Ce n'en sont pas moins des attaques méchantes, des tourments supplémentaires qu'on lui infligeait. Et vous voulez faire un tableau de l'ascension de Molière? Elles ne l'ont pas arrêté, mais elles n'y ont tout de même pas contribué. Il n'y avait certes pas de quoi le rendre heureux. Mais si, et le plaisir de la lutte quand on en sort vainqueur, est-ce que ça ne compte pas? Non, je suis persuadé que ce duel à coups de plume avait mis Molière de la meilleure humeur du monde et qu'il a contribué à le plonger dans le plus heureux état d'esprit pour arriver au grand jour de la princesse des Lides. Et tout le tracas que cette princesse lui a donné, vous l'oubliez? L'ordre du roi que le duc de Saint-Aignan, premier gentilhomme de la chambre, lui a jeté sur la tête dans les derniers jours d'avril en lui enjoignant de se mettre en rapport au plus vite avec monsieur de Vigarani, le grand décorateur des fêtes royales et l'auteur de l'ensemble du divertissement, et avec Lully. Autrement dit, de se plier aux exigences de l'un pour qui les machines comptent seules et aux caprices de l'autre. Le génial musicien n'est pas encore le tyran insupportable qui accaparera tout, mais il se prépare à le devenir. Molière, bousculé par tout le monde, voudrait bien trouver une heure de tranquillité pour réfléchir au sujet de la pièce. Il se souvient de celle d'un auteur espagnol contemporain, Moreto, dédain pour dédain. Bon sujet, il l'adopte. Il n'en est encore qu'à la première scène du deuxième acte quand le duc le relance, lève les bras au ciel. Quelle lenteur! Les comédiens doivent arriver à Versailles le 30. Mais c'était le bonheur de Molière d'être surmené, pressé, surchargé de besogne. C'est même le seul qui l'ait conservé toute sa vie. Voyez-vous, je crois que la plénitude du bonheur, il l'a éprouvé ce 30 avril, dans le carrosse qu'il a emmené de Paris à Versailles. Armande à côté de lui, tout contre lui, il avait passé son bras sur ses épaules. Armande qui lui a donné un fils. Il va avoir 4 mois cet enfant. Ah, qui sait? C'était peut-être elle qui se serrait contre lui à ce moment-là. Quoiqu'un grison fasse effroi, il vaut bien qu'on le courtise quand il est fait comme moi. Vous me semblez oublier 2 répliques de l'impromptu. Taisez-vous, ma femme, vous êtes une bête. Oh, grand merci, monsieur mon mari. Voilà ce que c'est. Le mariage change bien les gens. Et vous ne m'auriez pas dit cela il y a 18 mois. Mon auteur, c'est pas elle qui les a écrits, c'est lui. Écoutez, leur bonne entente n'est pas encore rompue. Ne la faites pas plus courte qu'elle n'a été. En cet instant, son Armande est en même temps sa princesse des Lides. En écrivant le rôle, il a retenu sa hâte pour soigner ses répliques. À penser que cette princesse fera les seconds débuts d'Armande. Elle a fait ses premiers pas dans l'impromptu. Quel trac il dut avoir ce jour-là. Oh, pas pour lui-même, mais pour elle. Non, je crois qu'un comédien ne peut pas souffrir un plus grand supplice que d'avoir le trac en regardant jouer quelqu'un qu'il aime. Et au baisser du rideau, quel soupir quand Armande a triomphé, car elle a triomphé. Alors il faut qu'elle triomphe encore. Ce n'est qu'après les seconds débuts qu'on peut crier victoire. Ah, il va lui en coûter encore quelques sueurs froides, mais il a confiance. Elle a incontestablement du talent. Et puisqu'il lui a donné la robe d'or qu'elle réclamait pour le rôle, elle le jouera de tout son cœur. Il regarde la campagne qu'on traverse, des prés tout neufs, des feuilles toutes fraîches, des fleurs roses et des fleurs blanches aux pommiers, aux cerisiers, aux amandiers. Alors, entre nous, je ne sais pas trop quels arbres fruitiers sont en fleurs le 30 avril. Mais quel qu'il soit, il importe. C'est partout un jaillissement de fraîcheur et de couleurs, de senteurs embaumées, de rayons de soleil. C'est le printemps impétueux de Madame Dussane. Oui, à moins qu'il n'ait pas songé un instant à regarder la campagne, puisqu'Armande était là. Ou encore, à moins qu'il n'ait passé tout le temps du voyage à faire répéter ses acteurs. Je crois que ce serait assez dans son genre, mais c'est moins poétique que le printemps impétueux. Moquez-vous tant que vous voudrez. Je maintiens que le sommet du bonheur, Molière l'a atteint quand, à la fin de la Princesse des Lides, le 8 mai 1664, toute la cour a éclaté en applaudissements. C'était l'ultime étape de l'ascension. Le roi l'avait choisi entre tous pour servir à ses plaisirs, à sa gloire, suprême consécration. Et cette dernière escalade, il l'avait réussi avec Armande, la main dans la main. Bon, le voilà au sommet. Mais c'est un sommet bien escarpé. On en redescend plus vite qu'on y monte. Car c'est précisément des plaisirs de l'île enchantée que datent les coquetteries d'Armande qui vont amener les infidélités. Ce sont les feux qu'elle a jetés ce soir-là qui ont fasciné les marquis qui viennent papillonner autour d'elle. Si l'on en croit Madame Dussane, ils n'ont pas perdu de temps. Elle nous présente une petite scène qui se passe le soir même de la représentation. En coulisses, ils étaient tout à l'heure 3 ou 4 brillants marquis autour d'Armande. Leur petit groupe s'est peu à peu éloigné dans l'allée. Comment se trouve-t-elle seule maintenant avec l'un d'eux, le plus beau, le plus élégant, le plus hardi aussi? Comment, pour le seul plaisir de continuer à l'entendre, le laisse-t-elle passer de la galanterie banale à la déclaration, de la déclaration à l'invite? Comment laisse-t-elle, sous prétexte de l'abriter du vent, le bras du jeune homme entourer ses épaules? Comment n'a-t-elle pas entendu un bruit de pas sous les arbres? Elle est brusquement éblouie par une lanterne démasquée tout à coup. C'est un serviteur du théâtre qui la porte. Molière le suit. Elle se sent prête à s'évanouir. Mais le jeune courtisan, affectant froidement de redraper son mantelet de velours, dit à Molière : « Bravo, Molière ! Vous avez joué votre valet bouffon tantôt à nous faire tous mourir de rire. La scène où vous avez si grande frayeur de l'ours était tout à fait plaisante. Dieu me damne, je crois que vous faites encore la même mine qui nous a tant réjouis. Allons, bonsoir, il est temps que je regagne la suite du roi. » C'est vrai. Molière avait oublié son costume et son personnage. Il est affublé d'un accoutrement de bouffon de cour. Il vient d'égayer la pièce par une série de grimaces poltronnes. Son bonnet grotesque penche sur son oreille, ses moustaches postiches barbouillent son visage. Le beau costume pour un mari outragé. Il juge la scène comme s'il ne la vivait pas lui-même. Un rire intérieur éclate en lui, affreusement amer, dont sa colère se trouve comme figée. Le contraste est si fort qu'il en est saisi comme d'un chaud effroi. « Armande, dit-il durement, pendant que le galant est encore à portée de voix, vos étourderies sont insupportables. Vous allez manquer votre dernière entrée, hâtez-vous. » Ils entraient en scène tous deux. Elle sécha ses larmes d'un battement d'éventail et il reprit ses poses bouffonnes. Si vous ne croyez pas à l'authenticité de la scène, je décline toute responsabilité. Elle est plausible. D'ailleurs, Madame Dussane n'en fait pas un événement décisif. Passée la première colère, Molière, dans son cœur, lui avait trouvé des excuses, voire même des justifications. Était-ce donc nécessairement coupable de jaser entre deux scènes de comédie? Peut-être parlait-elle ruban ou raillait-elle une camarade, tout simplement? Alors, toujours aussi, il l'effrayait avec son humeur grondeuse. S'il lui avait laissé le moyen de s'expliquer, c'est ça, sans doute, qu'elle lui aurait dit. C'est cela qu'il aurait cru, et à cette heure, elle lui sourirait. Bah, laissons passer sa bouderie. Elle va avoir du succès dans Elmire et tout sera oublié. Dès que nous serons de retour à Paris, je lui achèterai ce manchon qu'elle envie. Elle est si jolie quand elle s'amuse d'une nouvelle parure. Pour avoir du succès dans Elmire, Molière va présenter au roi les trois premiers actes du Tartuffe. Il faut rester à Versailles. Ils ne rentreront à Paris que dans 15 jours. Les marquis auront tout loisir de papillonner. Si court qu'ait été ce bonheur, il a compté. Nous savons bien que tracas et chagrin vont revenir au galop. Oh, plus que des chagrins. Une douleur profonde. La mort du petit Louis, à 8 mois, le lendemain de la reprise de la princesse d'Élite sur la scène du Palais Royal. Bientôt, les infidélités maintenant indubitables d'Armande. La mort de leur fils a coupé le lien le plus solide, peut-être qu'il la retenait à Molière. Là-dessus, la grande bataille du Tartuffe, pendant laquelle la protection royale n'est plus si efficace. Et puis, viendront les ennuis de santé qui ne cesseront plus, malgré certains répits. Jusqu'à ce qu'ils aient tiré de lui une vengeance tragique pour avoir osé se présenter au public en malade imaginaire. Oh, la liste serait trop longue si l'on énumérait toutes les heures sombres que Molière a encore à vivre. Ou très courte. On pourrait se contenter de dire 9 ans de surmenage, de déceptions affectives d'ordre divers, Armande, Racine et ne faut-il pas y ajouter Baron, enfin de souffrances multiples. Raison de plus pour rappeler, pour mettre en relief le moment de bonheur pur du soir du 8 mai 1664 à Versailles. Son bonheur le plus pur, n'est-ce pas celui qu'il a éprouvé en achevant son Misanthrope? Non, c'était tout autre chose. D'abord, il n'imaginait pas que ce qu'il considérait comme son chef-d'œuvre personnel n'aurait pas terminé sa carrière de chef-d'œuvre universel au bout de 3 siècles. Il y avait la satisfaction de l'œuvre accomplie, le soulagement d'une confession, mais trop d'amertume, trop d'ombre en fond de tableau pour qu'il goûte une seconde fois la joie spontanée, ingénue de l'ascension. C'est ce qui fait que pour vous, la princesse d'Élide est la pièce la plus réussie de Molière. Ne plaisantez pas. C'est sa première représentation qui a été la plus réussie de toutes ses premières. Nous ne parlons que de la princesse d'Élide, mais nous devrions dire aussi ce qu'ont été les plaisirs de l'île enchantée, car les comédiens y participaient dès le premier jour. Nous ne le dirions pas mieux que Madame Dussane. Alors prenez son livre, à la page 201. Par le miracle propre au théâtre, tout ce qui la veille encore semblait un désespérant chaos s'ordonna le jour de la première fête dans une pompe éblouissante et sans défaut. Sur un char monumental traîné par les plus beaux chevaux du roi, Lagrange, en Apollon, fut juchée. Catherine de Brie et Armande l'encadraient. Lagrange et Catherine avaient à réciter la plus longue partie du discours d'inauguration, mais Armande arborait le plus beau costume, ce fameux costume d'or qu'elle avait souhaité. Debout sur le frêle édifice et malgré l'assurance que lui donnait la splendeur de sa parure, elle crut défaillir quand le char pénétra dans l'enceinte préparée pour la fête. Sous les jeunes frondaisons du parc tendu de toiles et décorées d'emblèmes, toute la cour occupait une manière d'amphithéâtre et formait à elle seule, par l'éclat des vêtements et des bijoux, un éblouissant spectacle. Au premier plan, proche du char presque à le toucher, les cavaliers princiers éclipsaient tout le reste. Trompettes sonnantes, timbales bourdonnantes, oriflammes déployées, le quadrille équestre prenait ses places. Les chevaux piaffaient sous leurs harnais cloutés de pierreries, les plumes des casques ondoyaient comme des chevelures, les cuirasses précieuses étincelaient. Au centre, face à la loge des reines, le plus beau de tous les cavaliers, le roi, était vêtu non de couleur, mais de lumière. Cuirassé d'argent rebrodé d'or, casqué de plumes feu, bardé de diamants, il aveuglait presque comme le soleil lui-même. Quand le char sortit de scène, Armande retrouva Molière suant et pestant à régler les détails du défilé suivant. À demi vêtu de son costume de dieu Pan, sa perruque à la main, il exhortait le gros du parc, qui se plaignait de vertige en haut d'un éléphant, et le délicat la torillière, à qui le pas de son chameau soulevait le cœur. Voilà, une profusion d'éblouissements. Le roi scintillant en scène, il y reviendra pour danser, car il a suivi longtemps les leçons de son maître de ballet Beauchamp. C'était dans le défilé des saisons que Duparc, incarnant l'été, paraissait sur un éléphant. La Torillière, l'automne, chevauchant un chameau, Béjart, l'hiver, un ours, enfin, Mademoiselle Duparc, mieux partagée, figurait le printemps sur un cheval d'Espagne. Il n'avait pas été nécessaire de faire venir de loin les montures exotiques. Le château de Versailles possédait un parc zoologique. Des feux, des scintillements, des éblouissements, et pour vedette, un jeune roi. Et une pièce qui ne mérite pas le dédain que certains plus tard lui ont montré. À preuve, les 25 représentations consécutives de la reprise en novembre au Palais Royal. Couronnée après 300 ans par cette nouvelle reprise, à laquelle les comédiens français vont se donner de tout cœur pour célébrer, chose si rare, une heure de bonheur de Molière. Après l'à-propos de Jacques d'Apoigny, lu par Michel Echeverry et Claude Winter, voici La Princesse des Lides, comédie-ballet de Molière, interprété par messieurs Robert Hirsch, Moron, Jacques Hézère, Iphitas, père de la princesse, Jacques Toja, Urial, prince d'Ithaque, Simon N. Théocle, prince de Pile, François Beaulieu, Lysiscas, Jean-Noël Sissia, Lycas, Nicolas Silberg, le récitant, Gérard Caillot, le satyre, Jean-Luc Boutet, Aristomène, prince de Mécène, Louis Arbessier, Arbat, gouverneur du prince d'Ithaque, et Mademoiselle Claude Winter, l'Aurore, Geneviève Casil, la princesse d'Élide, Paul Noël, Phyllis, Bérangère d'Autun, Climène, Tania Torrens, Sainty, Catherine Ferrand, Aglante. Musique originale d'Alain Margoni, orchestre et chant sous la direction du compositeur. L'amour à vos yeux offre un choix agréable. Jeune beauté, laissez-vous enflammer. Moquez-vous d'affecter cet orgueil indomptable dont on vous dit qu'il est beau de s'armer. Dans l'âge où l'on est aimable, rien n'est si beau que d'aimer. soupirez librement pour un amant fidèle et bravez ceux qui voudraient vous blâmer. Un cœur tendre est aimable et le nom de cruel n'est pas un nom à se faire estimer. Dans le temps où l'on est belle, rien n'est si beau que d'aimer. Jour se communique, l'air sur les fleurs en perles se résout. L'air signale commence la musique et le petit concert retentisse partout. Six, six, debout, debout, qu'est-ce ceci? Six, toi, tu ronfles encore, toi qui promettais tant de devancer l'aurore. Debout, debout. Pour la chasse ordonnée, il faut préparer tout. Debout, debout, debout. Par la morble, vous êtes de grands braillards, vous autres, et vous avez la gueule ouverte de bon matin. Me vois-tu pas le jour qui s'en répand partout? Debout, debout, l'Isis casse, debout. Et laissez-moi dormir encore un peu, je vous conjure. Non, non, debout, debout, l'Isis casse, debout. Je ne vous demande qu'un petit quart d'heure. Non, non, debout, debout, l'Isis casse, debout. Et je vous prie, debout, un moment, debout, de grâce, debout, et debout, je, debout, j'aurais fait un continent. Pour la chasse ordonnée, il faut préparer tout. Eh bien, laissez-moi, je vais me lever. Vous êtes d'étranges gens de me tourmenter comme cela. Vous serez cause que je ne me porterai pas bien de toute la journée. Car voyez-vous, le sommeil est nécessaire à l'homme. Et lorsqu'on ne dort pas sa réfection, il arrive que... On est... L'Isis casse. L'Isis casse. L'Isis casse. L'Isis casse. Diable soient les brailleurs! Je voudrais que vous eussiez la gueule pleine de bouillie bien chaude. Debout, debout, debout. Oh, quelle fatigue de ne pas dormir tout son sou. Oh, oh, oh, oh, oh, la peste soit des gens avec leurs chiens de hurlement. Je me donne au diable si je ne vous assomme. Mais voyez un peu quel diable d'enthousiasme il leur donne de me venir chanter aux oreilles comme cela. Je... Oh. Encore. Vous emporte ! Quoi ? Toujours ? A-t-on jamais vu une pareille furie de chanter ? Parle, semble, j'enrage ! Puisque me voilà éveillé, il faut que j'éveille les autres et que je les tourmente comme on m'a fait ! Allons, messieurs, debout ! Debout ! Vite, c'est trop dormir ! Je vais faire un bruit de diable partout ! Debout ! Debout ! Debout ! Allons vite! Oh, oh, oh, oh! Debout! Debout! Pour la chasse ordonnée, il faut préparer tout. Debout! Debout! L'Isis casse! Debout! Oh, oh, oh, oh! Cette chasse qui se préparait ainsi était celle d'un prince des Lydes, lequel, étant d'humeur galante et magnifique et souhaitant que la princesse sa fille se résolût à aimer et à penser au mariage, qui était fort contre son inclination, avait fait venir en sa cour les princes d'Ithaque, de Mécène et de Pile, afin que, dans l'exercice de la chasse qu'elle aimait fort, et dans d'autres jeux comme des courses de chars et semblables magnificences, quelqu'un de ces princes pût lui plaire et devenir son époux. Euryale, prince d'Ithaque, amoureux de la princesse des Lydes, et Arbate, son gouverneur, lequel, indulgent à la passion du prince, le loue de son amour au lieu de l'emblâmer en des termes fort galants. Ce silence rêveur, dont la sombre habitude vous fait à tout moment chercher la solitude, ces longs soupirs que laisse échapper votre cœur et ses fixes regards si chargés de langueur disent beaucoup, sans doute, à des gens de mon âge. Et je pense, Seigneur, entendre ce langage. Mais sans votre congé, de peur de trop risquer, je n'ose m'enhardir jusqu'à l'expliquer. Explique, explique, Arbat, avec toute licence, ces soupirs, ces regards et ce morne silence. Je te permets ici de dire que l'amour m'a rangé sous ses lois et me brave à son tour. Et je consens encore que tu me fasses honte des faiblesses d'un cœur qui souffre qu'on le dompte. Moi, vous blâmez, Seigneur, des tendres mouvements où je vois qu'aujourd'hui penchent vos sentiments? Le chagrin des vieux jours ne peut aigrir mon âme contre les doux transports de l'amoureuse flamme. Et bien que mon sort touche à ses derniers soleils, je dirais que l'amour sied bien à vos pareils. Que ce tribut qu'on rend au trait d'un beau visage, de la beauté d'une âme, est un clair témoignage, et qu'il est malaisé que sans être amoureux, un jeune prince soit aigrant et généreux. C'est une qualité que j'aime en un monarque. La tendresse de cœur est une grande marque. Et je crois que d'un prince, on peut tout présumer dès qu'on voit que son âme est capable d'aimer. Oui, cette passion de toute la plus belle traîne dans un esprit sans vertus après elle. Aux nobles actions, elle pousse les cœurs, et tous les grands héros ont senti ses ardeurs. Devant mes yeux, Seigneur, a passé votre enfance, et j'ai de vos vertus vu fleurir l'espérance. Mes regards observaient en vous des qualités où je reconnaissais le sang dont vous sortez. J'y découvrais un fond d'esprit et de lumière. Je vous trouvais bien fait, l'air grand et l'âme fière. Votre cœur, votre adresse éclataient chaque jour. Mais je m'inquiétais de ne point voir d'amour. Et puisque les langueurs d'une plaie invincible nous montrent que votre âme a ses traits sensibles, je triomphe et mon cœur d'allégresse rempli vous regarde à présent comme un prince accompli. Si de l'amour un temps j'ai bravé la puissance, hélas, mon cher Arbat, il en prend bien vengeance. Et sachant dans quel mot mon cœur s'est abîmé, toi-même tu voudrais qu'il n'eût jamais aimé. Car enfin, vois le sort où mon astre me guide. J'aime ardemment la princesse Délide. Et tu sais quel orgueil, sous des traits si charmants, arme contre l'amour ses jeunes sentiments. Et comment elle fuit en cette illustre fête cette foule d'amants qui brigue sa conquête. Ah, qu'il est bien peu vrai que ce qu'on doit aimer aussitôt qu'on le voit prend droit de nous charmer, et qu'un premier coup d'œil allume en nous les flammes où le ciel en naissant a destiné nos âmes. À mon retour d'Argos, je passai dans ces lieux, et ce passage offrit la princesse à mes yeux. Je vis tous les appâts dont elle est revêtue, mais de l'œil dont on voit une belle statue. Leur brillante jeunesse, observée à loisir, ne porta dans mon âme aucun secret désir. Et d'Ithaque, en repos, je revis le rivage, sans mon être, en 2 ans, rappeler nulle image. Un bruit vient cependant à répandre à ma cour le célèbre mépris qu'est le fait de l'amour. On publie en tout lieu que son âme hautaine garde pour l'hyménée une invincible haine, et qu'un arc à la main, sur l'épaule un carquois, comme une autre Diane, elle hante les bois, n'aime rien que la chasse, et de toute la Grèce fait soupirer en vain l'héroïque jeunesse. Admire nos esprits et la fatalité. Ce que n'avait point fait sa vue et sa beauté, le bruit de ses fiertés en mon âme fit naître un transport inconnu dont je ne fus point maître. Ce dédain si fameux eut des charmes secrets à me faire avec soin rappeler tous ses traits, et mon esprit, jetant de nouveaux yeux sur elle, m'en refit une image si noble et si belle, me peignit tant de gloire et de telle douceur à pouvoir triompher de toutes ses froideurs, que mon cœur, au brillant d'une telle victoire, vit de sa liberté s'évanouir la gloire. Contre une telle amorce, il eut beau s'indigner, sa douceur sur mes sens prit tel droit de régner qu'entraîné par l'effort d'une occulte puissance, j'ai, d'Ithaque, en ces lieux fait voile en diligence. Et je couvre un effet de mes vœux enflammés du désir de paraître à ces jeux renommés où l'illustre Iphitas, père de la princesse, assemble la plupart des princes de la Grèce. Mais à quoi bon, Seigneur, les soins que vous prenez? Et pourquoi ce secret où vous vous obstinez? Vous aimez, dites-vous, cette illustre princesse, et venez à ses yeux signaler votre adresse. Et nuls empressements, paroles ni soupirs ne l'ont instruite encore de vos brûlants désirs. Pour moi, je n'entends rien à cette politique qui ne veut point souffrir que votre cœur s'explique. Et je ne sais quel fruit peut prétendre un amour qui fit tous les moyens de se produire au jour. Et que ferais-je, Arbat, en déclarant ma peine qu'attirer les dédains de cette âme hautaine et me jeter au rang de ces princes soumis que le titre d'amant lui peint en ennemi? Tu vois les souverains de Mécène et de Pyle lui faire de leur cœur un hommage inutile et de l'éclat pompeux des plus hautes vertus en appuyer en vain les respects assidus. Ce rebut de leurs soins, sous un triste silence, retient de mon amour toute la violence. Je me tiens condamné dans ces rivaux fameux et je lis mon arrêt au mépris qu'on fait d'eux. Et c'est dans ce mépris et dans cette humeur fière que votre âme, à ses vœux, doit voir plus de lumière, puisque le sort vous donne à conquérir un cœur que défend seulement une jeune froideur et qui n'impose point à l'ardeur qui vous presse de quelque attachement l'invincible tendresse. Un cœur préoccupé résiste puissamment, mais quand une âme est libre, on la force aisément, et toute la fierté de son indifférence n'a rien dont ne triomphe un peu de patience. Ne lui cachez donc plus le pouvoir de ses yeux. Faites de votre flamme un éclat glorieux et bien loin de trembler de l'exemple des autres, du rebut de leurs vœux, enflez l'espoir des vôtres. Peut-être, pour toucher ces sévères appâts, aurez-vous des secrets que ces princes n'ont pas. Et si de ces fiertés l'impérieux caprice ne vous fait éprouver un destin plus propice, au moins est-ce un bonheur en ces extrémités que de voir avec soi ses rivaux rebutés. J'aime à te voir presser cet aveu de ma flamme. Combattant mes raisons, tu chatouilles mon âme. Et par ce que j'ai dit, je voulais pressentir si, de ce que j'ai fait, tu pourrais m'applaudir. Car enfin, puisqu'il faut en faire confidence, on doit à la princesse expliquer mon silence. Et peut-être, au moment que je t'en parle ici, le secret de mon cœur, Arbat, est éclairci. Cette chasse, où, pour fuir la foule qui l'adore, tu sais qu'elle est allée au lever de l'aurore, est le temps que Moron, pour déclarer mon feu, a pris... Moron, Seigneur ? Ce choix t'étonne un peu. Par son titre de fou, tu crois le bien connaître. Mais sache qu'il l'est moins qu'il ne le veut paraître. Et que, malgré l'emploi qu'il exerce aujourd'hui, il a plus de bon sens que tel qui rit de lui. La princesse se plaît à ses bouffonneries. Il s'en est fait aimer par son plaisanterie et peut, dans cet accès, dire et persuader ce que d'autres que lui n'oseraient hasarder. Je le vois propre, enfin, à ce que j'en souhaite. Il a pour moi, dit-il, une amitié parfaite et veut, dans mes états, ayant reçu le jour, contre tous mes rivaux, appuyer mon amour. Quelque argent mis en main pour soutenir ce zèle. Je pense ouïr sa voix. À moi, le brave ! À moi ! C'est lui-même. Où court-il avec un tel effroi ? Où pourrais-je éviter ce sanglier redoutable ? Grand Dieu, préservez-moi de sa dent effroyable. Je vous promets, pour qu'il ne m'attrape pas, 4 livres d'encens et 2 veaux des plus gras. Ah ! Je suis mort. Qu'as-tu ? Je vous croyais la bête. Non, t'as me diffamer, j'ai vu la gueule prête, Seigneur. Et je ne puis revenir de ma peur. Qu'est-ce ? Oh ! Que la princesse est d'une étrange humeur, et qu'à suivre la chasse et ses extravagances, il nous faut essuyer de sottes complaisances. Quel diable de plaisir trouvent tous les chasseurs de se voir exposés à 1000 et 1000 peurs. Encore si c'était qu'on ne fût qu'à la chasse des lièvres, des lapins et des jeunes daims. Passe ! Ce sont des animaux d'un naturel fort doux et qui prennent toujours la fuite devant nous. Mais... aller attaquer de ces bêtes vilaines qui n'ont aucun respect pour les faces humaines et qui courent les gens qui les veulent courir, c'est un sot passe-temps que je ne puis souffrir. Dis-nous donc ce que c'est. Oh, le pénible exercice où de notre princesse a volé le caprice. J'en aurais bien juré qu'elle aurait fait le tour. Et la course des chars se faisant en ce jour, il fallait affecter ce contre-temps de chasse pour mépriser ses jeux avec meilleure grâce et faire voir... Mais chut! Achevons mon récit et reprenons le fil de ce que j'avais dit. Qu'ai-je dit ? Tu parlais d'exercice pénible. Ah oui ! Succombant donc à ce travail horrible, car en chasseur fameux, j'étais enharnaché et dès le point du jour, je m'étais découché. Je me suis écarté de tous en galant homme et, trouvant un lieu propre à dormir d'un bon somme, j'essayais ma posture et, m'ajustant bientôt, prenais déjà mon ton pour ronfler comme il faut. Lorsqu'un murmure affreux m'a fait lever la vue. Et j'ai, d'un vieux buisson de la forêt touffue, vu sortir un sanglier d'une énorme grandeur pour... Qu'est-ce ? ce n'est rien. N'ayez point de frayeur. Mais laissez-moi passer entre vous deux pour cause. Je serai mieux en main pour vous conter la chose. J'ai donc vu ce sang lié, qui par nos gens chassés avait d'un air affreux tout son poil hérissé. Ses deux yeux flamboyants ne lançaient que menaces, et sa gueule faisait une laide grimace, qui, parmi de l'écume à qui l'osait presser, montrait de certains crocs. Je vous laisse à penser. À ce terrible aspect, j'ai ramassé mes armes, mais le faux animal, sans en prendre d'alarme, est venu droit à moi, qui ne lui disais mot. Et tu l'as de pied ferme attendu ? Quelques sauts. J'ai jeté tout par terre et couru comme quatre. Fuir devant un sanglier, ayant de quoi l'abattre ? Ce trait moron n'est pas généreux. J'y consens. Il n'est pas généreux, mais il est de bon sens. Mais par quelques exploits, si l'on ne s'éternise... Je suis votre valet. Et j'aime mieux qu'on dise, c'est ici qu'en fuyant sans se faire prier, Moron sauva ses jours des fureurs d'un sanglier, que si l'on y disait... Voilà l'illustre place où le brave Moron d'une héroïque audace, affrontant d'un sanglier l'impétueux effort, par un coup de ses dents, vit terminer son sort. Fort bien. Oui, j'aime mieux, n'en déplaise à la gloire, vivre au monde deux jours que 1000 ans dans l'histoire. En effet, ton trépas fâcherait tes amis. Oui. Mais si de ta frayeur ton esprit est remis, puis-je te demander si du feu qui me brûle... Il ne faut point, Seigneur, que je vous dissimule... Je n'ai rien fait encore et n'ai point rencontré de temps pour lui parler, qui fut selon mon gré. Ah, l'office de bouffon a des prérogatives. Mais souvent, on rabat nos libres tentatives. Le discours de vos feux est un peu délicat. Et c'est chez la princesse une affaire d'État. Vous savez de quel titre elle se glorifie et qu'elle a dans la tête une philosophie qui déclare la guerre au conjugal lien et vous traite l'amour de déité de rien. N'effarouchez point son humeur de tigresse, il me faut manier la chose avec adresse. Car on doit regarder comme l'on parle aux grands. Et vous êtes parfois d'assez fâcheuses gens. Oh. Non, laissez-moi doucement conduire cette trame. Je me sens là, pour vous, un zèle tout de flamme. Vous êtes né mon prince, et quelques autres nœuds pourraient contribuer au bien que je vous veux. Ma mère, dans son temps, passait pour assez belle et, naturellement, n'était pas fort cruelle. Feu votre père, alors, ce prince généreux, sur la galanterie était fort dangereux. Et je sais quel pénor qu'on appelait mon père, à cause qu'il était le mari de ma mère, comptait pour grand honneur au pasteur d'aujourd'hui que le prince, autrefois, était venu chez lui et que, durant ce temps... Il avait l'avantage de se voir saluer de tous ceux du village. Baste, quoi qu'il en soit, je veux par mes travaux... Mais voici la princesse et deux de vos rivaux. Reprochez-vous, madame, à nos justes alarmes ce péril dont tous deux avons sauvé vos charmes. J'aurais pensé pour moi qu'abattre sous nos coups ce sanglier qui portait sa fureur jusqu'à vous était une aventure, ignorant votre chasse, dont à nos bons destins nous dussions rendre grâce. Mais... À cette froideur, je connais clairement que je dois concevoir un autre sentiment, écœurellé du sort, la fatale puissance qui me fait avoir part à ce qui vous offense. Pour moi, je tiens, madame, à sensible bonheur l'action où pour vous a volé tout mon cœur, et ne puis consentir, malgré votre murmure, à quereller le sort d'une telle aventure. D'un objet odieux, je sais que tout déplaît, mais dû votre courroux être plus grand qu'il n'est, c'est extrême plaisir, quand l'amour est extrême, de pouvoir d'un péril affranchir ce qu'on aime. Et pensez-vous, Seigneur, puisqu'il me faut parler, qu'il eût eu ce péril de quoi tant m'ébranler, que l'arc et que le dard pour moi si plein de charme ne soient entre mes mains que d'inutiles armes, et que je fasse enfin mes plus fréquents emplois de parcourir nos monts, nos plaines et nos bois, pour n'oser en chassant concevoir l'espérance de suffire moi seul à ma propre défense? Certes. Avec le temps, j'aurais bien profité de ces soins assidus dont je fais vanité s'il fallait que mon bras, dans une telle quête, ne pût pas triompher d'une chétive bête. Du moins, si pour prétendre à de sensibles coups le commun de mon sexe est trop mal avec vous, d'un étage plus haut, accordez-moi la gloire et me faites tous deux cette grâce de croire, Seigneur, que quel que fût le sanglier d'aujourd'hui, j'en ai mis bas sans vous de plus méchant que lui. Mais, madame... Eh bien, soit. Je vois que votre envie est de persuader que je vous dois la vie. J'y consens. Oui, Sans vous, cet effet de mes jours. Je rends de tout mon cœur grâce à ce grand secours et je vais de ce pas au prince pour lui dire les bontés que pour moi votre amour vous inspire. Hein? A-t-on jamais vu de plus farouche esprit? De ce vilain sanglier, l'heureux trépas l'aigrit. Oh, comme volontiers j'aurais d'un beau salaire récompensé tantôt qui m'en eût su défaire. Je vous vois tout pensif, seigneur, de ces dédains, mais ils n'ont rien qui doive empêcher vos desseins. Son heure doit venir, et c'est à vous, possible, qu'est réservé l'honneur de la rendre sensible. Il faut qu'avant la course, elle apprenne vos feux, et je... Non, ce n'est plus, Moron, ce que je veux. Garde-toi de rien dire et me laisse un peu faire. J'ai résolu de prendre un chemin tout contraire. Je vois trop que son cœur s'obstine à dédaigner tous ces profonds respects qui pensent à la gagner. Et le Dieu qui m'engage à soupirer pour elle m'inspire, pour la vaincre, une adresse nouvelle. Oui, c'est lui d'où me vient ce soudain mouvement, et j'en attends de lui l'heureux événement. Peut-on savoir, Seigneur, par où votre espérance... Tu le vas voir. Allons, et garde le silence. L'agréable Moron laissa aller le prince pour parler de sa passion naissante au bois et au rocher, et, faisant retentir partout le beau nom de sa bergère Phyllis, un écho ridicule lui répondant bizarrement, il prit si grand plaisir que, riant en cent manières, il fit répondre autant de fois cet écho sans témoigner d'en être ennuyé. Mais un ours vint interrompre ce beau divertissement et le surprit si fort par cette vue peu attendue qu'il donna des sensibles marques de sa peur. Elle lui fit faire devant l'ours toutes les soumissions dont il se put aviser pour l'adoucir. Enfin, se jetant à un arbre pour y monter, comme il vit que l'ours y voulait grimper aussi bien que lui, il cria au secours d'une voix si haute qu'elle attira huit paysans armés de bâtons à deux bouts et des pieux, pendant qu'un autre ours parut ensuite du premier. Il se fit un combat qui finit par la mort d'un des ours et par la fuite de l'autre. Jusqu'au revoir! Pour moi, je reste ici et j'ai une petite conversation à faire avec ces arbres et ces rochers. Bois, prés, fontaines, fleurs, qui voyez mon teint blême. Si vous ne le savez, je vous apprends que j'aime. Phyllis est l'objet charmant qui tient mon cœur à la tâche. Et je devins son amant, la voyant traire une vache. Ses doigts, tout pleins de lait et plus blancs mille fois, pressaient les bouts du pis d'une grâce admirable. Ouf, cette idée est capable de me réduire aux abois. Oh, Phyllis, Phyllis, Phyllis! Ah, hé! Ah, ah, ah, ah! Ah! Voilà un écho qui est bouffon. Oh, oh, oh! Oh, oh! Ah, ah! Ah, voilà un écho qui est bouffon! Oh, oh! Ah, ah! Ah, ah, ah, monsieur l'ours, je suis votre serviteur de tout mon cœur. Non, de grâce, épargnez-moi, je vous assure que je ne vaux rien du tout à manger. Je n'ai que la peau et les os. Et je vois de certaines gens là-bas qui seraient bien mieux votre affaire. Mon seigneur, tout doux, s'il vous plaît. Là, là, là. Ah. Oh, mon seigneur, que votre Altesse est jolie et bien faite. Elle a tout à fait l'air galant et la taille la plus mignonne du monde. Oh, oh, oh, beau poil, belle tête, beaux yeux brillants et bien fendus. Oh, oh, beau petit nez, belle petite bouche, petite quenotte jolie. Oh, oh! Oh, belle gorge, belle petite menotte, petits ongles bien faits, à l'aide, au secours, je suis mort, miséricorde, pauvre Moron, oh mon Dieu, et vite, à moi, je suis perdu! Thank you. Le prince d'Ithaque et la princesse eurent une conversation fort galante sur la course des chars qui se préparait. Elle avait dit auparavant à une des princesses, ses parentes, que l'insensibilité du prince d'Ithaque lui donnait de la peine et lui était honteuse. Qu'encore qu'elle ne voulût rien aimer, il était bien fâcheux de voir qu'il n'aimait rien et que, quoiqu'elle eût résolu de n'aller point voir les courses, elle s'y voulait rendre dans le dessein de tâcher à triompher de la liberté d'un homme qui la chérissait si fort. Il était facile de juger que le mérite de ce prince produisait son effet ordinaire, que ses belles qualités avaient touché ce cœur superbe et commencé à fondre une partie de cette glace qui avait résisté jusqu'alors à toutes les ardeurs de l'amour, et plus il affectait, par le conseil de Moron, qu'il avait gagné et qui connaissait fort le cœur de la princesse, de paraître insensible, quoiqu'il ne fût que trop amoureux, plus la princesse se mettait dans la tête de l'engager, quoiqu'elle n'eût pas fait dessein de s'engager elle-même. Les princes de Mécène et de Pile prirent lors congé d'elle pour s'aller préparer aux courses, et lui parlant de l'espérance qu'ils avaient de vaincre, par le désir qu'ils sentaient de lui plaire, celui d'Ithaque lui témoigna au contraire que, n'ayant jamais rien aimé, il allait essayer à vaincre pour sa propre satisfaction, ce qui la piqua encore davantage à vouloir soumettre un cœur déjà assez soumis, mais qui savait déguiser ses sentiments le mieux du monde. Oui, j'aime à demeurer dans ces paisibles lieux. On n'y découvre rien qui n'enchante les yeux. Et de tous nos palais, la savante structure cède aux simples beautés qui forment la nature. Ces arbres, ces rochers, cette eau, ces gazons frais ont pour moi des appâts à ne lasser jamais. Je chéris comme vous ces retraites tranquilles où l'on se vient sauver de l'embarras des villes. De 1000 objets charmants, ces lieux sont embellis. Et ce qui doit surprendre est qu'aux portes des lys, la douce passion de fuir la multitude rencontre une si belle et vaste solitude. Mais à vous dire vrai, dans ces jours éclatants, vos retraites ici me semblent hors de temps. Et c'est fort maltraiter l'appareil magnifique que chaque prince a fait pour la fête publique. Ce spectacle pompeux de la course des chars devrait bien mériter l'honneur de vos regards. Quel droit ont-ils chacun d'y vouloir ma présence? Et que dois-je après tout à leur magnificence? Ce sont soins que produit l'ardeur de m'acquérir, et mon cœur est le prix qu'ils veulent tous courir. Mais quelque espoir qui flatte un projet de la sorte, je me tromperais fort si pas un d'eux l'emporte. Jusque à quand ce cœur veut-il s'effaroucher des innocents desseins qu'on a de le toucher? Et regardez les soins que pour vous on se donne comme autant d'attentats contre votre personne. Je sais qu'en défendant le parti de l'amour, on s'expose chez vous à faire mal sa cour. Mais ce que par le sang j'ai l'honneur de vous être s'oppose aux duretés que vous faites paraître. Et je ne puis nourrir d'un flatteur entretien vos résolutions de n'aimer jamais rien. Est-il rien de plus beau que l'innocente flamme qu'un mérite éclatant allume dans une âme? Et serait-ce un bonheur de respirer le jour si d'entre les mortels on bannissait l'amour? Non, non, tous les plaisirs se goûtent à le suivre, et vivre sans aimer n'est pas proprement vivre. Le dessein de l'auteur était de traiter ainsi toute la comédie. Mais un commandement du roi qui pressa cette affaire l'obligea d'achever tout le reste en prose et de passer légèrement sur plusieurs scènes qu'il aurait étendues davantage s'il avait eu plus de loisirs. Pour moi, je tiens que cette passion est la plus agréable affaire de la vie, qu'il est nécessaire d'aimer pour vivre heureusement, et que tous les plaisirs sont fades s'il ne s'y mêle un peu d'amour. Pouvez-vous bien, toutes deux étant ce que vous êtes, prononcer ces paroles? Et ne devez-vous pas rougir d'appuyer une passion qui n'est qu'erreur, que faiblesse et qu'emportement, et dont tous les désordres ont tant de répugnance avec la gloire de notre sexe? J'en prétends soutenir l'honneur jusqu'au dernier moment de ma vie, et ne veux point du tout me commettre à ces gens qui font les esclaves auprès de nous pour devenir un jour nos tyrans. Toutes ces larmes, tous ces soupirs, tous ces hommages, tous ces respects sont des embûches qu'on tend à notre cœur et qui souvent l'engagent à commettre des lâchetés. Pour moi, quand je regarde certains exemples et les bassesses épouvantables où cette passion ravale les personnes sur qui elle étend sa puissance, je sens tout mon cœur qui s'émeut et je ne puis souffrir qu'une âme qui fait profession d'un peu de fierté ne trouve pas une honte horrible à de telles faiblesses. Madame, il est de certaines faiblesses qui ne sont point honteuses et qu'il est beau même d'avoir dans les plus hauts degrés de gloire. J'espère que vous changerez un jour de pensée. Et s'il plaît au ciel, nous verrons votre cœur avant qu'il soit... Arrêtez! N'achevez pas ce souhait étrange. J'ai une horreur trop invincible pour ces sortes d'abaissements. Et si jamais j'étais capable d'y descendre, je serais personne sans doute à ne me le point pardonner. Prenez garde, madame. L'amour, c'est se venger des mépris que l'on fait de lui, et peut-être... Non, non, je brave tous ses traits. Et le grand pouvoir qu'on lui donne n'est rien qu'une chimère, qu'une excuse des faibles cœurs qui le font invincible pour autoriser leur faiblesse. Mais enfin, toute la terre reconnaît sa puissance. Et vous voyez que les dieux mêmes sont assujettis à son empire. On nous fait voir que Jupiter n'a pas aimé pour une fois, et que Diane même, dont vous affectez tant l'exemple, n'a pas rougi de pousser des soupirs d'amour. Les croyances publiques sont toujours mêlées d'erreurs. Les dieux ne sont point faits comme se les fait le vulgaire, et c'est leur manquer de respect que de leur attribuer les faiblesses des hommes. Viens, approche, Moron. Viens nous aider à défendre l'amour contre les sentiments de la princesse. Voilà votre partie fortifiée d'un grand défenseur. Ma foi, madame, je crois qu'après mon exemple, il n'y a plus rien à dire, et qu'il ne faut plus mettre en doute le pouvoir de l'amour. J'ai bravé ces armes assez longtemps, et fait de mon drôle comme un autre. Mais, enfin, ma fierté a baissé l'oreille. Et vous avez une traîtresse qui m'a rendu plus doux qu'un agneau. Après cela, on ne doit plus faire aucun scrupule d'aimer. Et puisque j'ai bien passé par là, il peut bien y en passer d'autres. Quoi ? Moron se mêle d'aimer ? Fort bien. Et de vouloir être aimé ? Et pourquoi non ? Est-ce qu'on n'est pas assez bien fait pour cela ? Je pense que ce visage est assez passable, et que pour le bel air, Dieu merci, nous ne le cédons à personne. Sans doute, on aurait tort. Madame, le prince, votre père, vient vous trouver ici, et conduit avec lui les princes de Pile, d'Ithaque et celui de Mécène. Au ciel ! Que prétend-il faire en me les amenant ? Aurait-il résolu ma perte ? Et voudrait-il bien me forcer au choix de quelqu'un d'eux ? Seigneur, je vous demande la licence de prévenir par deux paroles la déclaration des pensées que vous pouvez avoir. Il y a deux vérités, Seigneur, aussi constantes l'une que l'autre et dont je puis vous assurer également. L'une, que vous avez un absolu pouvoir sur moi et que vous ne sauriez m'ordonner rien ou je ne réponde aussitôt par une obéissance aveugle. L'autre, que je regarde l'Hyménée ainsi que le trépas. Et qu'il m'est impossible de forcer cette aversion naturelle. Me donner un mari et me donner la mort, c'est une même chose. Mais votre volonté va la première, et mon obéissance m'est bien plus chère que ma vie. Après cela, parlez, Seigneur. Prononcez librement ce que vous voulez. Ma fille, tu as tort de prendre de telles alarmes, et je me plains de toi, qui peux mettre dans ta pensée que je sois assez mauvais père pour vouloir faire violence à tes sentiments. Et me servir tyranniquement de la puissance que le ciel me donne sur toi. Je souhaite, à la vérité, que ton cœur puisse aimer quelqu'un. Tous mes vœux seraient satisfaits si cela pouvait arriver. Et je n'ai proposé les fêtes et les jeux que je vais célébrer ici qu'afin d'y pouvoir attirer tout ce que la Grèce a d'illustre, et que parmi cette noble jeunesse, tu puisses enfin rencontrer ou arrêter tes yeux et déterminer tes pensées. Je ne demande, dis-je, au ciel autre bonheur que celui de te voir un époux. J'ai, pour obtenir cette grâce, fait encore ce matin un sacrifice à Vénus. Et si je sais bien expliquer le langage des dieux, elle m'a promis un miracle. Mais quoi qu'il en soit, je veux en user avec toi, en père qui chérit sa fille. Et si tu trouves où attacher tes vœux, ton choix sera le mien. Et je ne considérerai ni intérêt d'État, ni avantage d'alliance. Si ton cœur demeure insensible, je n'entreprendrai point de le forcer. Mais au moins, sois complaisante aux civilités qu'on te rend, et ne m'oblige point à faire les excuses de ta froideur. Traite ces princes avec l'estime que tu leur dois. Reçois avec reconnaissance les témoignages de leur zèle. Et viens voir cette course où leur adresse va paraître. Tout le monde va faire des efforts pour remporter le prix de cette course, mais à vous dire vrai, j'ai peu d'ardeur pour la victoire, puisque ce n'est pas votre cœur qu'on y doit disputer. Pour moi, madame, vous êtes le seul prix que je me propose partout. C'est vous que je crois disputer dans ces combats d'adresse. Et je n'aspire maintenant à remporter l'honneur de cette course que pour obtenir un degré de gloire qui m'approche de votre cœur. Pour moi, madame, je n'y vais point du tout avec cette pensée. Comme je fais toute ma vie profession de ne rien aimer, tous les soins que je prends ne vont point autant de les autres. Je n'ai aucune prétention sur votre cœur, et le seul honneur de la course est tout l'avantage où j'aspire. D'où sort cette fierté où l'on ne s'attendait point ? Princesse, que dites-vous de ce jeune prince ? Avez-vous remarqué de quel ton il l'a pris ? Il est vrai que cela est un peu fier. Oh, quelle brave botte il vient là de lui porter ! Ne trouvez-vous pas qu'il y aurait plaisir d'abaisser son orgueil ? et de soumettre un peu ce cœur qui tranche tant du brave. Comme vous êtes accoutumé à ne jamais recevoir que des hommages et des adorations de tout le monde, un compliment pareil au sien doit vous surprendre, à la vérité. Je vous avoue que cela m'a donné de l'émotion et que je souhaiterais fort de trouver les moyens de châtier cette hauteur. Je n'avais pas beaucoup d'envie de me trouver à cette course, mais j'y veux aller exprès et employer toute chose pour lui donner de l'amour. Prenez garde, madame, l'entreprise est périlleuse. Et lorsqu'on veut donner de l'amour, on court risque d'en recevoir. Oh, n'appréhendez rien, je vous prie. Allons, je vous réponds de moi. Phyllis, demeure ici. Non, laisse-moi suivre les autres. Oh, cruel. Si c'était Tircis qui t'en pria, tu demeurerais bien vite. Ça se pourrait faire. Et je demeure d'accord que je trouve bien mieux mon compte avec l'un qu'avec l'autre. Car il me divertit avec sa voix. Et toi, tu m'étourdis de ton caquet. Lorsque tu chanteras aussi bien que lui, je te promets de t'écouter. Mais demeure un peu. Je ne saurais. De grâce. Point de dire. Je ne te laisserai point aller. Oh, que de façon. Mais je ne te demande qu'un moment à être avec toi. Eh bien oui, j'y demeurerai. Ah. Ah, pourvu que tu me promettes une chose. Et quelle? De ne me point parler du tout. Phyllis. À moins que de cela, je ne demeurerai point avec toi. Bah, veux-tu me... Laisse-moi aller. Eh bien oui, demeure. Je ne dirai mot. Prends-y bien garde au moins, car à la moindre parole, je prends la fuite. Soit. Ah, Phyllis, fuite. Oh, oh. Elle s'enfuit, je ne saurais l'attraper. Mais voilà ce que c'est. Si je savais chanter, j'en ferais bien mieux mes affaires. La plupart des femmes aujourd'hui se laissent prendre par les oreilles. Elles sont cause que tout le monde se mêle de musique. Et l'on ne réussit auprès d'elles que par les petites chansons et les petits vers qu'on leur fait entendre. Il faut que j'apprenne à chanter pour faire comme les autres. Bon, voici justement mon homme. Ah, oh, Satyre, mon ami. Non, tu sais bien ce que tu m'as promis il y a longtemps. Apprends-moi à chanter, je te prie. Je le veux, mais auparavant, écoute une chanson que je viens de faire. Il est si accoutumé à chanter qu'il ne saurait parler d'autre façon. Bon, allons, chante, j'écoute. Je portais dans une chanson, dis-tu. Je portais dans une chanson à chanter. Oh, je portais dans une chanson amoureuse. Oh, peste. Je portais dans une cage de moineaux que j'avais pris lorsque la jeune Chloris fit dans un sombre bocage briller à mes yeux surpris les fleurs de son beau visage. Hélas, dis-je au moineau, en recevant les coups de ses yeux si savants à faire des conquêtes. Consolez-vous, pauvre petite bête, celui qui vous a pris est bien plus pris que vous. Moron ne fut pas satisfait de cette chanson, quoiqu'il la trouvât jolie. Il en demanda une plus passionnée, et priant le satyre de lui dire celle qu'il lui avait oui chantée quelques jours auparavant, il continua ainsi. Dans vos chants si doux, chantez à ma belle oiseau, chantez tous ma peine mortelle. Mais si la cruelle se met en courroux au récit fidèle des mots que je sens pour elle, oiseau, taisez-vous, oiseau. Apprends-la-moi. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la avait gagné le prix des courses. Elle avait, dans la suite de ce divertissement, fait des merveilles à chanter et à la danse, sans qu'il parût que les dons de la nature et de l'art eussent été quasi remarqués par le prince d'Ithaque. Elle en fit de grandes plaintes à la princesse, sa parente, Elle en parla à Moron, qui vit passer cet insensible point brutal, et enfin, le voyant arriver lui-même, elle ne put s'empêcher de lui en toucher fort sérieusement quelque chose. Il lui répondit ingénument qu'il n'aimait rien, et que, hors l'amour de sa liberté et les plaisirs qu'elle trouvait si agréables de la solitude et de la chasse, rien ne le touchait. Il est vrai, madame, que ce jeune prince a fait voir une adresse non commune, et que l'air dont il a paru a été quelque chose de surprenant. Il sort vainqueur de cette course, mais je doute fort qu'il en sorte avec le même cœur qu'il y a porté, car enfin vous lui avez tiré des traits dont il est difficile de se défendre, et sans parler de tout le reste, la grâce de votre danse et la douceur de votre voix ont eu des charmes aujourd'hui à toucher les plus insensibles. Le voici qui s'entretient avec Moron. Nous saurons un peu de quoi il lui parle. Ne rompons point encore leur entretien. Et prenons cette route pour revenir à leur rencontre. Ah, Moron, je te l'avoue, j'ai été enchanté. Et jamais tant de charmes n'ont frappé tout ensemble mes yeux et mes oreilles. Elle est adorable en tout temps, il est vrai, mais ce moment l'a emporté sur tous les autres. Et des grâces nouvelles ont redoublé l'éclat de ses beautés. Jamais son visage ne s'est paré de plus vives couleurs, ni ses yeux ne se sont armés de traits plus vifs et plus perçants. La douceur de sa voix a voulu se faire paraître dans un air tout charmant qu'elle a daigné chanter, et les sons merveilleux qu'elle formait passaient jusqu'au fond de mon âme et tenaient tous mes sens dans un ravissement à ne pouvoir en revenir. Elle a fait éclater ensuite une disposition toute divine, et ses pieds amoureux sur les mailles d'un tendre gazon traçaient d'aimables caractères qui m'enlevaient hors de moi-même et m'attachaient par des nœuds invincibles aux doux et justes mouvements dont tout son corps suivait les mouvements de l'harmonie. Enfin, jamais âme n'a eu de plus puissantes émotions que la mienne. Et j'ai pensé plus de 20 fois oublier ma résolution pour me jeter à ses pieds et lui faire un aveu sincère de l'ardeur que je sens pour elle. Ah, tenez-vous-en bien garde, Seigneur, si vous m'en voulez croire. Vous avez trouvé la meilleure invention du monde. Et je me trompe fort si elle ne vous réussit. Les femmes sont des animaux d'un naturel bizarre. Nous les gâtons par nos douceurs. Et je crois tout bon que nous les verrions nous courir sans tous ces respects et ces soumissions où les hommes les accoquinent. Seigneur, voici la princesse qui s'est un peu éloignée de sa suite. Demeurez ferme, au moins, dans le chemin que vous avez pris. Je m'en vais voir ce qu'elle me dira. Cependant, promenez-vous ici dans ces petites routes sans faire aucun semblant d'avoir envie de la joindre. Et si vous l'abordez, demeurez avec elle le moins qu'il vous sera possible. Tu as donc familiarité, Moron, avec le prince d'Ithaque ? Oh, madame, il y a longtemps que nous nous connaissons. D'où vient qu'il n'est pas venu jusqu'ici et qu'il a pris cette autre route quand il m'a vue ? C'est un homme bizarre qui ne se plaît qu'à entretenir ses pensées. Étais-tu tantôt au compliment qu'il m'a fait ? Oui, madame, j'y étais. Bon, je l'ai trouvé un peu impertinent, n'en déplaise à sa principauté. Pour moi, je le confesse, Moron, cette fuite m'a choquée. Et j'ai toutes les envies du monde de l'engager pour rabattre un peu son orgueil. Ma foi, madame, vous ne feriez pas mal. Il le mériterait bien. Mais à vous dire vrai, je doute fort que vous y puissiez réussir. Comment ? Oh, c'est le plus orgueilleux petit vilain que vous ayez jamais vu. Il lui semble qu'il n'y a personne au monde qui le mérite et que la terre n'est pas digne de le porter. Mais encore ne t'a-t-il point parlé de moi ? Lui ? Non. Il ne t'a rien dit de ma voix et de ma danse ? Pas le moindre mot. Certes, ce mépris est choquant. Et je ne puis souffrir cette hauteur étrange de ne rien estimer. Il n'estime et n'aime que lui. Il n'y a rien que je ne fasse pour le soumettre comme il faut. Nous n'avons point de marbre dans nos montagnes qui soit plus dur et plus insensible que lui. Le voilà. Voyez-vous comme il passe, sans prendre garde à vous ? De grâce, Moron. Va le faire aviser que je suis ici et l'oblige à me venir aborder. Seigneur, je vous donne avis que tout va bien. La princesse souhaite que vous l'abordiez. Mais songez bien à continuer votre rôle. Et de peur de l'oublier, ne soyez pas longtemps avec elle. Vous êtes bien solitaire, Seigneur. Et c'est une humeur bien extraordinaire que la vôtre de renoncer ainsi à notre sexe et de fuir à votre âge cette galanterie dont se piquent tous vos pareils. Cette humeur, madame, n'est pas si extraordinaire qu'on en trouvât des exemples sans aller loin d'ici. Et vous ne sauriez condamner la résolution que j'ai prise de n'aimer jamais rien sans condamner aussi vos sentiments. Il y a grande différence. Et ce qui sied bien à un sexe ne sied pas bien à l'autre. Il est beau qu'une femme soit insensible et conserve son cœur exempt des flammes de l'amour, mais ce qui est vertu en elle devient un crime dans un homme. Et comme la beauté est le partage de notre sexe, vous ne sauriez ne nous point aimer sans nous dérober les hommages qui nous sont dus et commettre une offense dont nous devons toutes nous ressentir. Je ne vois pas, madame, que celles qui ne veulent point aimer doivent prendre aucun intérêt à ces sortes d'offenses. Ce n'est pas une raison, Seigneur. Et sans vouloir aimer, on est toujours bien aise d'être aimé. Pour moi, je ne suis pas de même. Et dans le dessein où je suis de ne rien aimer, je serais fâché d'être aimé. Et la raison ? C'est qu'on a obligation à ceux qui nous aiment et que je serais fâché d'être ingrat. Si bien donc que pour fuir l'ingratitude, vous aimeriez qui vous aimerait ? Moi, madame, point du tout. Je dis bien que je serais fâché d'être ingrat, mais je me résoudrais plutôt de l'être que d'aimer. Telle personne vous aimerait peut-être que votre cœur ? Non, madame, rien n'est capable de toucher mon cœur. Ma liberté est la seule maîtresse à qui je consacre mes vœux. Et quand le ciel emploierait ses soins à composer une beauté parfaite, quand il emploierait en elle tous les dons les plus merveilleux et du corps et de l'âme, enfin quand il exposerait à mes yeux un miracle d'esprit, d'adresse et de beauté, et que cette personne m'aimerait avec toutes les tendresses imaginables, je vous l'avoue franchement, je ne l'aimerais pas. A-t-on jamais rien vu de tel ? Oh, peste soit du petit brutal ! J'aurais envie de lui bailler un coup de poing. Cet orgueil me confond, et j'ai un tel dépit que je ne me sens pas. Bon courage, Seigneur. Voilà qui va le mieux du monde. Oh, Moron, je n'en puis plus. Et je me suis fait des efforts étranges. C'est avoir une insensibilité bien grande que de parler comme vous faites. Le ciel ne m'a pas fait d'une autre humeur. Mais, madame, j'interromps votre promenade et mon respect doit m'avertir que vous aimez la solitude. Oh. Il ne vous en doit rien, madame, en dureté de cœur. Je donnerais volontiers tout ce que j'ai au monde pour avoir l'avantage d'en triompher. Je le crois. Ne pourrais-tu, Moron, me servir dans un tel dessein ? Vous savez bien, madame, que je suis tout à votre service. Parle-lui de moi dans tes entretiens. Vante-lui adroitement ma personne et les avantages de ma naissance. Et tâche d'ébranler ses sentiments par la douceur de quelque espoir. Je te permets de dire tout ce que tu voudras pour tâcher de me l'engager. Laissez-moi faire. C'est une chose qui me tient au cœur. Je souhaite ardemment qu'il m'aime. Il est bien fait, oui, ce petit pandard, là. Il a bon air, bonne physionomie. Et je crois qu'il serait assez le fait d'une jeune princesse. Enfin, tu peux tout espérer de moi si tu trouves moyen d'enflammer pour moi son cœur. Il n'y a rien qui ne se puisse faire. Mais, madame, s'il venait à vous aimer, que feriez-vous, s'il vous plaît ? Ah. Ce serait lors que je prendrais plaisir à triompher pleinement de sa vanité, à punir son mépris par mes froideurs et à exercer sur lui toutes les cruautés que je pourrais imaginer. Il ne se rendra jamais. Ah, Moron, il faut faire en sorte qu'il se rende. Non, il n'en fera rien, je le connais, ma peine sera inutile. S'il faut-il pourtant tenter toute chose et éprouver si son âme est entièrement insensible. Allons, je veux lui parler et suivre une pensée qui vient de me venir. Tircis, laissons-les aller et me dis un peu ton martyre de la façon que tu sais faire. Il y a longtemps que tes yeux me parlent, mais je suis plus aise d'ouïr ta voix. Tu ne m'écoutes pas, hélas, dans ma triste langue. Mais je ne suis pas mieux aux beautés sans pareille. Touche ton oreille sans que je touche à ton cœur. Va, va. C'est déjà quelque chose que de toucher l'oreille. Et le temps amène tout. Chante-moi cependant quelques plaintes nouvelles que tu aies composées pour moi. Ah, oh. Je vous y prends, cruel. Vous vous écartez les autres pour ouïr mon rival. Oui, je m'écarte pour cela. Je te le dis encore. Je me plaise avec lui. Et l'on écoute volontiers les amants lorsqu'ils se plaignent aussi agréablement qu'il fait. Que ne chantes-tu comme lui ? Je prendrai plaisir à t'écouter. Ouais, si je ne sais chanter, je sais faire autre chose. Tais-toi ! Je veux l'entendre. Dis, Tircis, ce que tu voudras. Oh, cruel ! Silence, dis-je, ou je me mettrai en colère. Amas épais et vous prés émaillés, la montée dans l'hiver vous avait dépouillé, par le printemps vous est rendu, vous reprenez tous vos appas. Mais mon âme ne reprend pas la joie, hélas. j'ai perdu. Morbleu, que n'ai-je de la voix? Ah, nature, nature, pourquoi ne m'as-tu pas donné de quoi chanter comme à un autre? En vérité, Tircis, il ne se peut rien de plus agréable. Et tu l'emportes sur tous les rivaux que tu as. Mais pourquoi est-ce que je ne puis pas chanter? N'ai-je pas un estomac, un gosier et une langue comme un autre? Oui, oui. Alors, je veux chanter aussi. Et te montrer que l'amour fait faire toute chose. Tiens, voici une chanson que j'ai faite pour toi. Oui, dis. Je veux bien t'écouter pour la rareté du fait. Courage, Moron. Il n'y a qu'à avoir de la hardiesse. Ton extrême rigueur s'acharne sur mon cœur. Ah, Phyllis, je trépasse, daigne me secourir. En seras-tu plus grasse de m'avoir fait mourir? Viva, Moron! Voilà qui est le mieux du monde. Mais Moron, je souhaiterais bien d'avoir la gloire que quelque amant fût mort pour moi. C'est un avantage dont je n'ai pas encore joui. Et je trouve que j'aimerais de tout mon cœur une personne qui m'aimerait assez pour se donner la mort. Tu aimerais une personne qui se tuerait pour toi? Oui. Il ne faut que cela pour te plaire. Non. Voilà qui est fait. Je te veux montrer que je me sais tuer quand je veux. Ah, quelle douceur extrême de mourir pour ce qu'on aime. C'est un plaisir que vous aurez quand vous voudrez. Courage, Moron, apprends-t'en en généreux amant. Je vous prie de vous mêler de vos affaires et de me laisser tuer à ma fantaisie. Allons, je vais faire honte à tous les amants. Tiens, je ne suis pas homme à faire tant de façons. Vois ce poignard. Prends bien garde, comme je vais me percer le cœur. Tiens, je suis votre serviteur, quelque niais. Allons, Tircis, viens, on me redire à l'écho ce que tu m'as chanté. La princesse, espérant par une feinte pouvoir découvrir les sentiments du prince d'Ithaque, elle lui fit confidence qu'elle aimait le prince de Mécène. Au lieu d'en paraître affligé, il lui rendit l'appareil et lui fit connaître que la princesse, sa parente, lui avait donné dans la vue et qu'il la demanderait en mariage au roi son père. À cette atteinte imprévue, cette princesse perdit toute sa constance. Et quoiqu'elle essayât à se contraindre devant lui, aussitôt qu'il fut sorti, elle demanda avec tant d'empressement à sa cousine de ne recevoir point les services de ce prince et de ne l'épouser jamais, qu'elle ne put le lui refuser. Elle s'en plaignit même à Moron, qui lui ayant dit assez franchement qu'elle l'aimait donc, en fut chassée de sa présence. Prince, comme jusque-ici nous avons fait paraître une conformité de sentiments, et que le ciel a semblé mettre en nous mêmes attachements pour notre liberté, et même aversion pour l'amour, je suis bien aise de vous ouvrir mon cœur, et de vous faire confidence d'un changement dont vous serez surpris. J'ai toujours regardé l'hymen comme une chose affreuse, et j'avais fait serment d'abandonner plutôt la vie que de me résoudre jamais à perdre cette liberté pour qui j'avais des tendresses si grandes. Mais enfin, un moment a dissipé toutes ces résolutions. Le mérite d'un prince m'a frappé aujourd'hui les yeux, et mon âme, tout d'un coup, comme par un miracle, est devenue sensible aux traits de cette passion que j'avais toujours méprisée. J'ai trouvé d'abord des raisons pour autoriser ce changement, et je puis l'appuyer de la volonté de répondre aux ardentes sollicitations d'un père et aux vœux de tout un état. Mais à vous dire vrai, je suis en peine du jugement que vous ferez de moi, et je voudrais savoir si vous condamnerez ou non le dessein que j'ai de me donner un époux. Vous pourriez faire un tel choix, madame, que je l'approuverais sans doute. Qui croyez-vous, à votre avis, que je veuille choisir? Si j'étais dans votre cœur, je pourrais vous le dire. Mais comme je n'y suis pas, je n'ai garde de vous répondre. Devinez pour voir, et nommez quelqu'un. J'aurais trop peur de me tromper. Mais encore, pour qui souhaiteriez-vous que je me déclarasse? Je sais bien, à vous dire vrai, pour qui je le souhaiterais. Mais avant que de m'expliquer, je dois savoir votre pensée. Eh bien, prince, je veux bien vous la découvrir. Je suis sûre que vous allez approuver mon choix. Et pour ne vous point tenir en suspens davantage, le prince de Mécène est celui de qui le mérite s'est attiré mes vœux. Oh, ciel. Mon intention a réussi, Moron, le voilà qui se trouble. Bon, madame. Courage, seigneur. Il en tient, madame. Ne vous défaites pas. Ne trouvez-vous pas que j'ai raison et que ce prince a tout le mérite qu'on peut avoir? Mais remettez-vous et songez à répondre. D'où vient un prince que vous ne dites mot et semblez interdit? Je le suis, à la vérité. Et j'admire, madame, comme le ciel a pu former deux âmes aussi semblables en tout que les nôtres. Deux âmes en qui l'on ait vu une plus grande conformité de sentiments et qui a fait éclater dans le même temps une résolution à braver les traits de l'amour et qui, dans le même moment, a fait paraître une égale facilité à perdre le nom d'insensible. Car enfin, madame, puisque votre exemple m'autorise, je ne feindrai point de vous dire que l'amour aujourd'hui s'est rendu maître de mon cœur et qu'une des princesses, vos cousines, l'aimable et belle Aglante, a renversé d'un coup d'œil tous les projets de ma fierté. Je suis ravi, madame, que par cette égalité de défaite, nous n'ayons rien à nous reprocher l'un et l'autre. Et je ne doute point que, comme je vous loue infiniment de votre choix, vous n'approuviez aussi le mien. Il faut que ce miracle éclate aux yeux du monde. Et nous ne devons point différer à nous rendre tous deux contents. Pour moi, madame, je vous sollicite de vos suffrages pour obtenir celle que je souhaite, et vous trouverez bon que j'aille de ce pas en faire la demande au prince, votre père. Oh, digne, oh, brave cœur. Ah, Moron, je n'en puis plus. Et ce coup que je n'attendais pas triomphe absolument de toute ma fermeté. Oh, il est vrai que le coup est surprenant. Et j'avais cru d'abord que votre stratagème avait fait son effet. Ah, se mettre un dépit à me désespérer qu'une autre ait l'avantage de soumettre ce cœur que je voulais soumettre. Princesse, j'ai à vous prier d'une chose qu'il faut absolument que vous m'accordiez. Le prince d'Ithaque vous aime et veut vous demander au prince, mon père. Le prince d'Ithaque, madame? Oui. Il vient de m'en assurer lui-même et m'a demandé mon suffrage pour vous obtenir. Mais je vous conjure de rejeter cette proposition et de ne point prêter l'oreille à tout ce qu'il pourra vous dire. Mais madame, s'il était vrai que ce prince m'aimât effectivement, pourquoi, n'ayant aucun dessein de vous engager, ne voudriez-vous pas souffrir? Non, Aglante, je vous le demande. Faites-moi ce plaisir, je vous prie. Et trouvez bon que, n'ayant pu avoir l'avantage de le soumettre, je lui dérobe la joie de vous obtenir. Madame, il faut vous obéir. Je croirais que la conquête d'un tel cœur ne serait pas une victoire à dédaigner. Non, non, il n'aura pas la joie de me braver entièrement. Madame, je viens à vos pieds rendre grâce à l'amour de mes heureux destins. Et vous témoignez avec mes transports le ressentiment où je suis des bontés surprenantes dont vous daignez favoriser le plus soumis de vos captifs. Comment ? Le prince d'Ithaque, madame, vient m'assurer tout à l'heure que votre cœur avait eu la bonté de s'expliquer en ma faveur sur ce célèbre choix qu'attend toute la Grèce. Il vous a dit qu'il tenait cela de ma bouche ? Oui, madame. C'est un étourdi. Et vous êtes un peu trop crédule, prince, d'ajouter foi si promptement à ce qu'il vous a dit. Une pareille nouvelle mériterait bien, ce me semble, qu'on en doutât un peu de temps. Et c'est tout ce que vous pourriez faire de la croire si je vous l'avais dite moi-même. Madame, si j'ai été trop prompt à me persuader... De grâce, prince. Brisons là ce discours. Et si vous voulez m'obliger, souffrez que je puisse jouir de deux moments de solitude. Ah, quand cette aventure, le ciel me traite avec une rigueur étrange. Mais madame, s'il vous aimait, vous n'en voudriez point. Et cependant, vous ne voulez pas qu'il soit à une autre. C'est faire justement comme le chien du jardinier. Non, je ne puis souffrir qu'il soit heureux avec une autre. Et si la chose était, je crois que j'en mourrais de déplaisir. Oh, ma foi, madame, avouons la dette. Vous voudriez qu'il fût à vous. Et dans toutes vos actions, il est aisé de voir que vous aimez un peu ce jeune prince. Moi, je l'aime. Au ciel, je l'aime. Avez-vous l'insolence de prononcer ces paroles? Sortez de ma vue, impudent, et ne vous présentez jamais devant moi. Madame... Retirez-vous d'ici, vous dis-je. Ou je vous en ferai retirer d'une autre manière. Ma foi, son cœur en a sa provision et... De quelle émotion inconnue sens-je mon cœur atteint? Et quelle inquiétude secrète est venue troubler tout d'un coup la tranquillité de mon âme? Ne serait-ce point aussi ce qu'on vient de me dire? Et sans en rien savoir, n'aimerais-je point ce jeune prince? Ah, si cela était, je serais personne à me désespérer. Mais il est impossible que cela soit. Et je vois bien que je ne puis l'aimer. Quoi, je serais capable de cette lâcheté. J'ai vu toute la terre à mes pieds avec la plus grande insensibilité du monde. Les respects, les hommages et les soumissions n'ont jamais pu toucher mon âme. et la fierté et le dédain en auraient triomphé. J'ai méprisé tous ceux qui m'ont aimé et j'aimerai le seul qui me méprise. Non, non, je sais bien que je ne l'aime pas. Il n'y a pas de raison à cela. Mais si ce n'est pas de l'amour ce que je sens maintenant, qu'est-ce donc que ce peut-être? Et d'où vient ce poison qui me court par toutes les veines et ne me laisse point en repos avec moi-même? Sors de mon cœur, qui que tu sois, ennemi qui te cache, attaque-moi visiblement et deviens à mes yeux la plus affreuse bête de tous nos bois, afin que mon dard et mes flèches me puissent défaire de toi. Ô vous, admirable personne, qui par la douceur de vos chants avez l'art d'adoucir les plus fâcheuses inquiétudes, approchez-vous d'ici de grâce et tâchez de charmer avec votre musique le chagrin où je suis. Chère Félix, dis-moi, que crois-tu de l'amour? Toi-même, qu'en crois-tu, ma compagne fidèle? On m'a dit que sa flamme est pire qu'un vautour, et qu'on souffre en aimant une peine cruelle. On m'a dit qu'il n'est point de passion plus belle, et que ne pas aimer, c'est renoncer au jour. À qui des deux donnerons-nous la victoire? Qu'en croirons-nous, ou le mal, ou le bien? Aimons, c'est le vrai moyen de savoir ce qu'on en doit croire. Chloris vante partout l'amour et ses ardeurs. Amarante pour lui, versant tout lieu des larmes. Si de tant de tourments il accable les cœurs, d'où vient qu'on aime à lui rendre les armes? Si sa flamme climène est si pleine de charme, pourquoi nous défend-on d'en goûter les douceurs? À qui des deux donnerons-nous la victoire? Qu'en croirons-nous, ou le mal, ou le bien? Aimons, c'est le vrai moyen de savoir ce qu'on en doit croire. Achevez seul, si vous voulez. Je ne saurais demeurer en repos. Et quelque douceur qu'aient vos chants, ils ne font que redoubler mon inquiétude. Il se passait dans le cœur du prince de Mécène des choses bien différentes. La joie que lui avait donnée le prince d'Ithaque, en lui apprenant malicieusement qu'il était aimé de la princesse, l'avait obligé de l'aller trouver avec une inconsidération que rien qu'une extrême amour ne pouvait excuser. Mais il en avait été reçu d'une manière bien différente à ce qu'il espérait. Elle lui demanda qui lui avait appris cette nouvelle. Et quand elle eut su que ça avait été le prince d'Ithaque, cette connaissance augmenta cruellement son mal et lui fit dire, à demi désespéré, « C'est un étourdi ». Et ce mot étourdit si fort le prince de Mécène qu'il sortit tout confus sans lui pouvoir répondre. La princesse, d'un autre côté, alla trouver le roi son père, qui venait de paraître avec le prince d'Ithaque et qui lui témoignait non seulement la joie qu'il aurait eue de le voir entrer dans son alliance, même l'opinion qu'il commençait d'avoir que sa fille ne la haïssait pas. Elle ne fut pas plus tôt auprès de lui que, se jetant à ses pieds, elle lui demanda pour la plus grande faveur qu'elle en pût jamais recevoir que le prince d'Ithaque n'épousa jamais la princesse, ce qu'il lui promit solennellement. Mais il lui dit que si elle ne voulait point qu'il fût à une autre, il fallait qu'elle le prît pour elle. Elle lui répondit qu'il ne le voudrait pas, mais d'une manière si passionnée qu'il était aisé de connaître les sentiments de son cœur. Alors le prince, quittant toutes sortes de feintes, lui confessa son amour et le stratagème dont il s'était servi pour venir au point où il se voyait alors par la connaissance de son humeur. La princesse, lui donnant la main, le roi se tourna vers les deux princes de Mécène et de Pile et leur demanda si deux parentes, dont le mérite n'était pas moindre que la qualité, seraient point capables de les consoler de leur disgrâce. ils lui répondirent que l'honneur de son alliance faisant tous leurs souhaits, ils ne pouvaient espérer une plus heureuse fortune. Alors la joie fut si grande dans le palais qu'elle se répandit par tous les environs. Oui, seigneur, ce n'est point raillerie. J'en suis ce qu'on appelle disgracié. Il m'a fallu tirer mes choses au plus vite. Et jamais vous n'avez vu un emportement plus brusque que le sien. Ah, prince, que je devrais de grâce à ce stratagème amoureux s'il faut qu'il ait trouvé le secret de toucher son cœur. Quelque chose, seigneur, que l'on vienne de vous en dire, je n'ose encore pour moi me flatter de ce doux espoir. Mais enfin, si ce n'est pas à moi trop de témérité que d'oser aspirer à l'honneur de votre alliance, si ma personne et mes états... Prince, n'entrons point dans ces compliments. Je trouve en vous de quoi remplir tous les souhaits d'un père. Et si vous avez le cœur de ma fille, il ne vous manque rien. Oh, ciel, que vois-je ici? Oui, l'honneur de votre alliance, mais d'un prix très considérable. Et je souscris aisément de tous mes suffrages à la demande que vous me faites. Seigneur, je me jette à vos pieds pour vous demander une grâce. Vous m'avez toujours témoigné une tendresse extrême. Et je crois vous devoir bien plus par les bontés que vous m'avez fait voir que par le jour que vous m'avez donné. Mais si jamais pour moi vous avez eu de l'amitié, je vous en demande aujourd'hui la plus sensible preuve que vous me puissiez accorder, c'est de n'écouter point, Seigneur, la demande de ce prince, et de ne point souffrir que la princesse Aglante soit unie avec lui. Et par quelle raison, ma fille, voudrais-tu t'opposer à cette union? Par la raison que je hais ce prince, et que je veux si je puis traverser ses desseins. Tu le hais, ma fille? Oui, et de tout mon cœur, je vous l'avoue. Que t'a-t-il fait? Il m'a méprisée. Et comment? Il ne m'a pas trouvée assez bien faite pour m'adresser ses vœux. Et quelle offense te fait cela? Tu ne veux accepter personne. N'importe. Il me devait aimer comme les autres et me laisser au moins la gloire de le refuser. Sa déclaration me fait un affront et se met une honte sensible qu'à mes yeux et au milieu de votre cour. Il a recherché une autre que moi. Mais quel intérêt dois-tu prendre à lui? J'en prends, Seigneur, à me venger de son mépris. Et comme je sais bien qu'il aime Aglante avec beaucoup d'ardeur, je veux empêcher, s'il vous plaît, qu'il ne soit heureux avec elle. Cela te tient donc bien au cœur? Oui, Seigneur, sans doute. Et s'il obtient ce qu'il demande, vous me verrez expirer à vos yeux. Va, va, ma fille. Avoue franchement la chose. Le mérite de ce prince t'a fait ouvrir les yeux, et tu l'aimes enfin, quoi que tu puisses dire. Moi, Seigneur? Oui, tu l'aimes. Je l'aime, dites-vous? Et vous m'imputez cette lâcheté? Mon ciel, quelle est mon infortune? Puis-je bien sans mourir entendre ces paroles? Et faut-il que je sois si malheureuse qu'on me soupçonne de l'aimer? Oh, si c'était un autre que vous, Seigneur, qui me tint ce discours, je ne sais pas ce que je ne ferais point. Eh bien oui, tu ne l'aimes pas, tu le hais, j'y consens. Et je veux bien, pour te contenter, qu'il n'épouse pas la princesse Aglante. Ah, Seigneur, vous me donnez la vie. Mais, afin d'empêcher qu'il ne puisse être jamais à elle, il faut que tu le prennes, pour toi. Vous vous moquez, Seigneur. Et ce n'est pas ce qu'il demande. Pardonnez-moi, madame. Je suis assez téméraire pour cela. Et je prends à témoin le prince, votre père, si ce n'est pas vous que j'ai demandé. C'est trop vous tenir dans l'erreur. Il faut lever le masque. Et dussiez-vous vous en prévaloir contre moi, découvrir à vos yeux les véritables sentiments de mon cœur. Je n'ai jamais aimé que vous. Et jamais je n'aimerai que vous. C'est vous, madame, qui m'avez enlevé cette qualité d'insensible que j'avais toujours affectée. Et tout ce que j'ai pu vous dire n'a été qu'une feinte qu'un mouvement secret m'a inspirée et que je n'ai suivi qu'avec toutes les violences imaginables. Il fallait qu'elle cessât bientôt, sans doute, et je m'étonne seulement qu'elle ait pu durer la moitié d'un jour. Car enfin, je mourrais. Je brûlais dans l'âme quand je vous déguisais mes sentiments, et jamais cœur n'a souffert une contrainte égale à la mienne. Que si cette feinte, madame, a quelque chose qui vous offense, je suis tout prêt de mourir pour vous en venger. Vous n'avez qu'à parler, et ma main sur le champ fera gloire d'exécuter l'arrêt que vous prononcerez. Non, non, prince. Je ne vous sais pas mauvais gré de m'avoir abusé, et tout ce que vous m'avez dit, je l'aime bien mieux une feinte que non pas une vérité. Si bien donc, ma fille, que tu veux bien accepter ce prince pour époux. Seigneur, je ne sais pas encore ce que je veux. Donnez-moi le temps d'y songer, je vous prie, m'épargnez un peu la confusion où je suis. Vous jugez, prince, ce que cela veut dire, et vous pouvez fonder là-dessus. Je l'attendrai tant qu'il vous plaira, madame, cet arrêt de ma destinée. Et s'il me condamne à la mort, je le suivrai sans murmure. Viens, Moron, c'est ici un jour de paix. Et je te remets en grâce avec la princesse. Seigneur, je serai meilleur courtisan une autre fois et je me garderai bien de dire ce que je pense. Je crains bien, prince, que le choix de ma fille ne soit pas en votre faveur. Mais voilà deux princesses qui peuvent bien vous consoler de ce petit malheur. Seigneur, nous savons prendre notre parti, et si ces aimables princesses n'ont point trop de mépris pour des cœurs qu'on a rebutés, nous pouvons revenir par elles à l'honneur de votre alliance. Seigneur, la déesse Vénus vient d'annoncer partout le changement du cœur de la princesse. Tous les pasteurs et toutes les bergères en témoignent leur joie par des danses et des chansons, et si ce n'est pas un spectacle que vous méprisiez, vous allez voir l'allégresse publique se répandre jusqu'ici. Vous aimiez pour beauté fière du pouvoir de tout charmer. Aimez, aimable bergère, nos cœurs sont faits pour aimer. Quelquefois qu'on s'en défende, il y faut venir un jour. Il n'est rien qui ne se vende au doux charme de l'amour. Quelquefois qu'on s'en défende, il y faut venir un jour. Il n'est rien qui ne se vende au doux charme de l'amour. Songez de bonheur à suivre le plaisir de s'enflammer. Un cœur ne commence à vivre que du jour qu'il s'est aimé. Quelquefois qu'on s'en défende, il y faut venir un jour. Il n'est rien qui ne se rende au doux charme de l'amour. Quelquefois qu'on s'en défende, il y faut venir un jour. Il n'est rien qui ne se rende au doux charme de l'amour. Voici maintenant Jean-Louis Barrault, reçu pour nous par Paul-Louis Mignon. Jean-Louis Barrault, en 1946, vous avez été auprès de Georges Leroy, un des artisans de la reprise de La Princesse d'Élide de Molière, qui est une œuvre de Molière qui a été d'ailleurs assez peu jouée, il faut bien le dire, à la Comédie Française depuis trois siècles, puisque je crois qu'elle a atteint 68 ou 69 représentations. Dans quel esprit la pièce avait-elle été reprise? Est-ce que vous aviez cherché avec Georges Roy à restituer la pièce dans son cadre de fête, puisque la pièce avait été créée pour les plaisirs de l'île enchantée à Versailles? Je crois en effet me souvenir que nous avions essayé de reconstituer un petit peu l'atmosphère des fêtes du plaisir des plaisirs de l'île enchantée. Et moi j'interprétais le personnage de Moron, et je crois que Georges Leroy m'avait demandé de le seconder pour les parties plastiques, les parties de ballet ou de divertissement, enfin le combat avec un ours. Moi je suis simplement lié au personnage de Moron d'une façon tout à fait particulière et accidentelle. C'est en jouant le personnage de Moron que j'ai joué pour la dernière fois à la Comédie Française. La Princesse d'Élide a été une commande pour Molière, une commande du roi pour ses plaisirs de l'île enchantée. C'est une pièce qu'il a dû écrire en une quinzaine de jours. Souvent, Molière s'est trouvé en présence de ces conditions. Est-ce que vous pensez que ça a été pour lui finalement bénéfique, ou est-ce que les pièces se sont ressenties de cette hâte? Il a eu souvent à répondre à des commandes. Il y a une phrase de Molière que je ne pourrais pas citer exactement, mais qui dit « Il vaut mieux faire vite, exécuter vite, rapidement, une commande du roi que de ne pas l'exécuter du tout. » Et cela me touche personnellement parce qu'avec Paul Claudel, on avait comme devise « mal mais vite ». Alors, bien sûr, sur le plan de la qualité esthétique, cela peut présenter des inconvénients. Sur le plan du bouillonnement humain, c'est pas si mauvais que ça. Qu'il s'agisse de La Princesse d'Élide ou de Pourceaugnac ou du Bourgeois Gentilhomme, c'est toujours le résultat d'une commande. Et il était toujours pressé. Est-ce que pour le Bourgeois Gentilhomme, auquel vous avez apporté vos soins ces jours-ci, on ressent cette même hâte dans la composition de la pièce? Le Bourgeois Gentilhomme a dû inspirer particulièrement Molière parce qu'il y a eu, il y a mis du génie. Il était vraiment inspiré. Et il n'y a pas un mot à changer, c'est une perfection. Mais si on analyse le livret du Bourgeois Gentilhomme, c'est ni fait ni à faire. Je suis incapable de vous le raconter. Et c'est une commande qui a été faite en 70 pour Chambord, pour un divertissement de chasse. L'année d'avant, en 69, c'était pour Sauniac qui avait été l'objet de la commande. Et cette fois-ci, c'est une commande que l'on pourrait dire avec figure imposée, puisqu'il s'agissait de se venger de la visite insolente d'un diplomate turc qui, lorsque Louis XIV s'était présenté dans un magnifique costume recouvert de diamants, avait répondu « Chez nous, ce sont les chevaux qu'on habille comme ça ». Et alors, pour se venger, le roi avait commandé ce divertissement avec figure imposée, qui était une cérémonie turque. Donc, tout cela, dans le fond, ce sont les prototypes de la comédie musicale. On croit toujours que ce sont les États-Unis qui ont inventé la comédie musicale, mais je crois que Molière a fait des comédies musicales au XVIIe siècle, ça a existé au XVIIe siècle, qu'il s'agisse de la princesse des Lides, des Fâcheux, de pour Sauniac et du Bourgeois Gentilhomme. C'est entre la comédie musicale et l'opérette. Il y a un côté Offenbach là-dedans. Dans la façon dont ces pièces sont traitées, dans la façon dont les divertissements interviennent dans la comédie, est-ce qu'il y a une constante, enfin, où Molière a-t-il agi différemment selon les pièces ? J'ai l'impression qu'avec sa souplesse, il agissait différemment. Pour le bourgeois, il y a, finalement, quand on pénètre dans le Bourgeois Gentilhomme, on a l'impression d'être devant un poème du rire. C'est vraiment très poétique. Et quand on habille le bourgeois en musique, c'est que le bourgeois considère que s'habiller comme un aristocrate est l'équivalent d'entrer dans les ordres. Ça exige une cérémonie. On ne s'habille pas en marquis comme ça. C'est pas quotidien. On prend le voile. On prend le voile de l'aristocratie. Alors il est tout à fait normal qu'il y ait une cérémonie musicale et des danses pour habiller un bourgeois. C'est ça que j'ai essayé de mettre en valeur. Une espèce de rêve burlesque avec beaucoup de cérémonial, mais dans le burlesque. Lorsqu'on monte une pièce de cet ordre, le Bourgeois Gentilhomme, la Princesse des Lides, Monsieur de Pourceaugnac, faut-il traiter, disons, très, très librement en homme de 1972 ou essayer de retrouver ce qu'a été l'esprit, même les conditions de représentation des pièces à la création ? Ce que j'ai envie de voir, moi, ou de recevoir, c'est l'équivalent de ce qu'ont reçu les gens de cette époque-là. Quand le roi, qui avait entre 29 et 30 ans, qui était entouré d'une cour de gens de 25 à 30 ans, avec un frère, monsieur, qui, avec Madame de Montespan, avait des crises de rire qu'on entendait à 200 pas, quand ce roi commandait un divertissement pour Chambord, il ne s'adressait pas à des membres de l'Académie, il s'adressait à des amuseurs. Molière était un grimacier et Lully un contorsionniste. Lully dansait admirablement en faisant des danses improvisées, en faisant des contorsions, une espèce de danse du ventre. Molière faisait des grimaces et tout le monde s'amusait fort. Si bien que représentait la musique de Lully à l'époque pour des oreilles de 20 ans ? Est-ce que ça ne serait pas plutôt une musique qui est sensible à nos oreilles de 20 ans ? Comme la composition musicale est très carrée chez Lully, il est très facile de lui mettre un petit fond de batterie. Et à ce moment-là, les thèmes de Lully n'en apparaissent que mieux, n'en sont plus que plus charmants, plus jolis. Et c'est pour cela que j'ai demandé à Michel Colombier de réorchestrer certains passages de Lully qui sont tels maintenant qu'on a envie de danser sur du Lully, ce qui est l'équivalent de ce que devait faire Lully et les personnages de la cour. Alors, il me semble que c'est être fidèle, plus fidèle que si on accepte la déformation de la pièce que lui a fait subir le temps. Quand les scènes du Bourgeois Gentilhomme sont entrées dans les manuels scolaires, je crois qu'on n'a pas été fidèle au propos initial du bourgeois gentilhomme, divertissement pour une fête de chasse. Quand on le représente de nouveau, on a envie de sauter, quoi, enfin de danser et puis de s'amuser. À propos de ces comédies de divertissement, vous évoquiez la comédie musicale. Avez-vous le sentiment que, pour Molière, ces comédies avec divertissement, c'était encore une fois le fait simplement des circonstances, ou est-ce que profondément ça correspondait à une recherche de l'homme de théâtre ? Je crois qu'il n'avait pas à rechercher l'homme de théâtre. Il n'était pas du tout intellectuel. Il faisait du théâtre pour amuser les gens, et puis il y mettait sa vie, son expérience, son observation. Puis c'était un être humain génial, et puis il avait un cœur très gros, et puis un esprit caustique, et puis tout le monde y passait. Tout le monde y passe dans le bourgeois gentilhomme. Les aristocrates, les bourgeois, les jeunes gens, les bergers, tout le monde y passe. Les nations, les provinces. Et on s'amuse de tout. Il s'agit de faire rire le roi. Et maintenant, bien, le roi, c'est le public. Alors je crois qu'il s'agit de faire rire le public, mais d'une façon caustique et tout, sans respect pour personne. Pour commémorer le tricentenaire de la mort de Molière, l'ORTF et la Comédie Française viennent de vous présenter La Princesse des Lides, comédie-ballet, précédée d'un à-propos de Jacques d'Apoigny, lu par Michel Etcheverry et Claude Winter, puis suivie d'une interview de Jean-Louis Barrault par Paul-Louis Mignon. La Princesse des Lides était interprétée par messieurs Robert Hirsch, Moron, Jacques Ezer, Iphitas, père de la princesse, Jacques Toja, Urial, prince d'Ithaque, Simon Haine, Théocle, prince de Pile, François Beaulieu, Lysiscas, Jean-Noël Sissia, Lycas, Nicolas Silberg, le récitant, Gérard Caillot, le satyre, Jean-Luc Boutet, Aristomène, prince de Mécène, Louis Arbessier, Arbat, gouverneur du prince d'Ithaque, et mademoiselle Claude Winter, l'Aurore, Geneviève Casil, la princesse d'Élide, Paul Noël, Phyllis, Bérangère d'Autun, Climène, Tania Torrens, Sainty, Catherine Ferrand, Aglante. Musique originale d'Alain Margoni, orchestre et chant sous la direction du compositeur. Chef opérateur du son, Robert Lavoignat, collaboration technique, Claude Salem, bruitage, Jean-Jacques Noël, assistant de production, Jean-Claude Duval, réalisation, Jacques Régnier.